Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Comment pousser les bords du monde? Un feuilleton de François Bon. Hein? Ebbing, Duluth, Zimbo et Echo Star. It must be good for somebody, this is our song. I know it's good for somebody. If it ain't for me, it's good for somebody. Je suis Bob Dylan quand j'ai besoin d'être Bob Dylan, dit-il. Ou bien, moi, la connaissance des faits, ça ne m'intéresse pas. Ça m'est égal ce qui intéresse les autres. Allez raconter la vie et le destin de quelqu'un qui commence par dire ça, et sur lui entretient très savamment, ne serait-ce qu'en ne rectifiant rien, le flou, ou les légendes, si elles l'arrangent. C'est comme si je me souvenais même pas d'avoir été un gosse, d'ailleurs. Je suis même pas sûr de ce qui m'est arrivé la veille. On peut quand même suivre des pistes, retrouver des faits. Robert Allen Zimmerman, de son nom hébreu Shabtai Zizel Ben Avraham, est né d'Abraham et Betty Zimmerman le 24 mai 1941. Même si plus tard, il a changé la date pour le 11, préférant du point de vue astrologique se faire taureau plutôt que gémeaux. On est en guerre, mais les États-Unis pas encore. Ça attendra Pearl Harbor en décembre. Mes grands-parents paternels, qui s'appelaient Zygman, sont d'Odessa sur la mer Noire et ont émigré en 1907. Ma grand-mère a été couturière. Son petit-fils dit qu'elle a la peau très mate, n'a plus qu'une jambe et fume la pipe au dernier étage d'une maison qui donne sur le lac supérieur, à Duluth, avec ses péniches et ses cornes de brume. Côté maternel, les grands-parents s'appellent les Stones, immigrés juifs de l'Europe de l'Est, et le grand-père possède une petite, toute petite chaîne de salles de spectacle à échelle régionale. Ça aura son importance. On est à Duluth, Minnesota, au bord de ce lac grand comme une mer. En 1946, les Zimmerman ont un deuxième fils, David, et le père est victime de la polio. Il perd son travail. On déménage à Ebbing, d'où vient Betty, pour se rapprocher du côté maternel. C'est Ebbing qui sera le vrai berceau de Bob Dylan. Ebbing, a great place to call home. Un chouette endroit pour dire, c'est chez moi. Mais Bob Dylan ne le pensera pas vraiment, en fait. There was really nothing there. Il n'y avait vraiment rien là-bas, à part être mineur, et encore, de moins en moins. Ce sera l'hommage à sa ville natale. On n'est pas loin de la frontière du Canada, 17 000 habitants aujourd'hui. Le plus grand village du Minnesota, ils disent aussi, mais c'est de la superficie qu'ils parlent. Tu te mettais à un bout de la rue principale, tu te retournais, tu voyais l'autre bout de la ville de l'autre côté. Une ville minière, une ville du fer. Une ville dans laquelle on passe sans s'arrêter, mais une ville au carrefour de plusieurs routes. On voyait des types débarquer avec un gorille dans une cage, ou bien une momie sous vitrine, dira Bob Dylan. Une ville avec des routes qui s'en allaient de tous les côtés. Abe, le père, s'est débarrassé de la polio. Avec ses deux frères, il lance un commerce d'électroménager. C'est le bon choix. Une explosion comme jamais plus on ne verra. L'arrivée du frigidaire, la révolution de la machine à laver. Dès 1948, on s'installe dans une maison à soi, une maison avec étage, au 2425 de la 7e avenue. I try so hard, my dear, to show that you were my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. Dans les signes d'une enfance, dans ce qu'on laisse en arrière, à la marque du génie, l'empreinte de ce qu'on deviendra plus tard. Non, rien de cela. Un gamin consciencieux à l'école. Des poèmes? Oui, il en écrit. Pour les fêtes des mères, pour les fêtes des pères. Quand même deux détails. D'abord, la télévision. On n'est pas marchand d'électroménager pour rien. En 1952, les Zimmerman ont la première télévision de la ville. Et l'étonnement des images. Tout le monde au-delà de Ebbing, qu'on aperçoit soudain, à 11 ans. Et puis le cinéma, les cow-boys. Pour aller au cinéma, on va au Ebbing's Liba Theater. Et Liba, c'est l'arrière-grand-mère. On reste chez soi quand on va au cinéma. Et c'est au cinéma en 1955, à 14 ans, le choc James Dean, East of Eden. Il s'achète une veste rouge, couvre les murs de sa chambre d'affiches et de posters. Et comme c'est l'année de sa bar mitzvah, il y a une altercation avec son père qui les arrache, les images du Dieu en petit. 1955, c'est là qu'il meurt, James Dean. Et son film, Le Rebelle sans cause, Dylan dit qu'il l'a vu au moins 5 fois. 1955, c'est aussi l'année Elvis. Mais ils sont combien de millions, au même âge, à avoir le même choc, à dire, comme plus tard Bob Dylan, « Vous ne pouviez pas voir ça sans voir quelque chose de vous-même. » Dylan a un cousin, Harriet Rothstein. Et celui la compte parce qu'il lui donne ses premiers cours de piano. Le piano, c'est le premier instrument de Dylan. Il essaye aussi la trompette, le saxophone, découvre la guitare. Tout cela vient en même temps, mais l'instrument sérieux, celui qu'il travaille, c'est le piano. C'est la découverte de Hank Williams, mort alcoolique 3 ans plus tôt, un mythe. Et c'est les tournées, à Ebbing ou Duluth, des écumeurs du rock'n'roll, les pères fondateurs. Dylan entend Little Richard, et tout d'un coup, le piano devient une nouvelle histoire. Et Buddy Holly. Ce soir-là, il est au premier rang, collé contre la scène. 5 jours plus tard, Buddy Holly s'écrase en avion à 22 ans. Comment un môme de 17 ans n'en serait pas choqué? Et est-ce que c'est le premier mensonge pour la légende du futur Bob Dylan? Après la mort de Buddy Holly, parlant de ce concert, il dit « Il n'arrêtait pas de me regarder ». Pas beaucoup de détails sur les étés, les vacances, les voyages. Les enfants juifs vont dans les camps de vacances pour scouts juifs. C'est là dans les soirées qu'on fait autour d'un feu de camp qu'il fonde son premier groupe, The Jokers. Ça durera quand même 1 an. Et le mystère pour le futur Dylan, c'est que tout de suite ça marche. On passera à la télévision, on ira même enregistrer à Minneapolis. C'est la première trace enregistrée qu'on a de Dylan. On joue dans les fêtes d'école, on fait danser dans les soirées. Dylan, que ses copains appellent Zimbo, tient le piano et les parents cotiseront de $5 chacun pour avoir un enregistrement. Bipopalula. I got mixed up, confusion. Man, it's killing me. N'empêche, tout cela reste très classe moyenne. Pour ses 16 ans, il a sa première voiture. Bien sûr, pas une toute belle. Juste une vieille Ford, peinte en rose, qu'il rachètera bien plus tard pour l'accrocher au plafond de sa maison géante à Malibu. Et pilote pour la première fois une Harley Davidson, initiation. On est en 1957. Le jeune Robert Zimmerman, appelé Zimbo, joue le samedi soir avec un groupe qui s'appelle le Shadow Blasters, les Secoueurs de l'Ombre. Et toujours le Tutti Frutti de Little Richard ou le Blow Your Shoes de Gene Vincent. Mais la révolution, c'est l'achat pas trop cher. Sur le catalogue de Sears Roebuck, qui est un peu chez eux comme Manu France chez nous, d'une guitare électrique, Supro. C'est en rocker que le futur Dylan vient à la musique. Fin des Shadow Blasters, le troisième groupe, un trio batterie guitare piano. Zimbo de retour à ses pastiches de Little Richard. And you know when all your dreams, when all your dreams of a lifetime must all come to an end. Yeah, that's when your heart aches. Echo Star Alstrom dit que la première fois qu'elle a vu Robert Zimmerman, il était debout sous la neige, au coin d'une rue, et chantait avec sa guitare. Preuve que le pianiste amateur cherchait déjà sur d'autres chemins. Il n'y avait pas besoin de guide. That you never can share. And you know when you bring a friend. Echo est né en Finlande. Ses parents sont installés dans la forêt, à 10 kilomètres de la ville. Et quand ils se mettent à parler, ils découvrent qu'ils écoutent la nuit, à la radio, les mêmes émissions, celles qu'on n'entend que la nuit, justement. Ces deux-là, pendant 1 an, seront inséparables. Echo Alstrom sera le sas par quoi Robert Zimmerman se sépare de son enfance, de sa famille et de Ebbing. C'est la fin du lycée. Dylan a beau dire que la corde est usée, et usée les accords dorés de The Golden Chords, son nouveau groupe, c'est encore le rock blanc qu'il joue au piano sous le nom de Elston Gunn and his Rock Boppers, ou The Satin Tones, qui sera son ultime groupe de Ebbing. Pour son bac, pour le graduation qui en tient lieu, un oncle, un des frères de son père, associé dans le magasin d'électroménager, lui offre toute une pile de sa propre collection de 78 tours. Huddy Ledbetter, des Lead Belly, Ventre en plomb et le folk noir. Si l'oncle se sépare de sa collection de 78 tours, elle offre à son neveu, c'est pour savoir déjà l'importance qu'a cette musique pour le gamin, qu'il y a probablement déjà une histoire entre le gamin et ses disques. Et co-star Hallström, aujourd'hui, est cité dans les personnages importants de Ebbing, pour avoir été la première petite amie de Bob Dylan. Quand il quitte Ebbing, il emporte les Lead Belly, il abandonne Echo. Sur l'ultime photo de classe, où les gamins de terminale se disent adieu, Bob écrit la phrase suivante. Et maintenant, je vais rejoindre Little Richard. Pas moins, pas plus. Un drôle d'été. Il a un job de serveur dans un bar à Fargo, dans le Nord Dakota, le Red Apple Café. Le groupe local s'appelle Bob Ivy and the Shadows, encore une affaire d'ombre. Il propose à Bob Ivy de jouer du piano, mais se fait virer, paraît-il qu'il ne saurait pas jouer autrement qu'en do majeur. Dylan dira plus tard qu'un piano c'est trop gros pour être transporté et que dans les endroits où on invitait Bob Ivy, le piano qu'on trouvait était toujours désaccordé. D'ailleurs, ceux qui travailleront avec Dylan diront au contraire que la difficulté avec lui c'était les accords bizarres qu'il utilise, avec plein de touches noires, ce qui est le contraire de la clé de do majeur. My tears are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Quand il revient à Ebbing, n'empêche, il a le dernier disque de Bob Ivy and the Shadows et prétend que c'est lui qu'on y entend, au piano. C'est faux. Ce n'est pas si grave. Juste une histoire. Just tell her that you love her. À l'automne 1959, il est comme tous ses copains de bonne famille, étudiant à Minneapolis, la capitale, à 350 km de Ebbing. Il a une chambre en cité U, à la maison de la fraternité juive. Pas pour longtemps d'ailleurs, il ne fraternise jamais beaucoup avec les autres Zimmerman, et on devra lui trouver une chambre en ville. On ne sait pas ce qu'il en retient de l'université. Lui, plus tard, il dit seulement « On jouait toute la nuit et le matin je dormais, alors je suis jamais allé en cours ». Mais il a toujours eu l'art de simplifier. En fait, il est inscrit en musicologie et cela, probablement, il le fait sérieusement. C'est l'époque des anthologies de la maison du disque Folkways. On redécouvre ces drôles de bonshommes qui chantaient dans les années 30. On enregistre ceux qui sont dépositaires de vieux styles, vieilles chansons. Ainsi, Elizabeth Cotton, inventeuse du guitar picking avec le pouce et l'index, et que le père de Pete Seeger, Charles, n'avait pas hésité à prendre chez lui comme femme de ménage. Et c'est facile à reprendre, à partager. Un tabouret au fond d'un café, dans le quartier dit Dinky Town, les rues étudiantes, vous vous asseyez et on chante tous ensemble, puisque, aussi bien, tout le monde connaît les mêmes chansons. Du vieux jazz, et aussi des chansons de cow-boy nostalgiques, il dira. Mais qu'il les apprend toutes, les chansons. Puis il s'équipe, vend sa guitare électrique et la Ford Rose probablement pour une guitare acoustique, une Martin D17 de 1949. On est aux États-Unis, d'accord, mais une guitare comme ça au bras, c'est un panneau au-dessus de votre tête. Ambition. Avec une Martine au bras, on peut se faire reconnaître comme musicien. Le premier été, il part en stop. Un chanteur avec sa guitare sur la route, tout pour s'y croire. Denver, c'est 1500 km. Mais Denver, c'est une des capitales du folk, avec un club qui s'appelle l'Exodus. Il auditionne, tente sa chance, il a des recommandations, mais il ne fait pas le poids, le petit étudiant de Minneapolis, pour l'Exodus. Il trouvera un engagement dans une boîte, à une dizaine de kilomètres, logé nourri, ça durera 15 jours. Plus tard, il en fera tout un plat. Il jouait entre deux numéros de striptease, paraît-il, et ça complète le tableau à inventer de l'artiste maudit. Le choc, ce sera en spectateur. À l'Exodus, il écoute, découvre. Par exemple, Jess Fuller, vieux bluesman qui s'accompagne à l'harmonica. C'est à Denver que Bobby Zimmerman complète sa panoplie. L'harmonica sur son petit support de fer, accroché au cou, qui sera sa chance bien avant qu'il le sache. I got eyes to see you, I got ears to hear, I got a mind to tell me I love you, sugar dear. The other night when I saw you walking on the avenue, Brownskin girl, I got my eyes on you. N'empêche, au retour de Denver, il a joué sur scène comme un professionnel. Il lui faut un nom de guerre. Parce que Zimmerman s'est trop lié au magasin familial. Il rêve de quelque chose comme Matt Dillon, l'acteur. Dit que d'abord, il a voulu se servir de son second prénom et s'appeler Bobby Allen ou Bobby Allen. Mais dit-il, ça faisait trop marchand de voitures d'occasion. Et c'est vrai qu'il lisait Dylan Thomas à cette époque-là. Rien ne sera jamais simple si c'est de lui-même qu'il s'agit. Mais maintenant, il s'appelle Bob Dylan. Une négociation avec le père. Voyage retour à Ebbing. Qu'on me donne un an pour jouer, et si ça ne va pas, je reprends les études. Veto, mais quand même, on ne le laissera pas complètement tomber. Et puis on y reviendra, Woody Guthrie. Dylan vient de lire Bound for Glory, l'autobiographie de Guthrie. La mythologie, un train de marchandises. Et il découvre les disques, les chansons de Guthrie, un choc. Il est où, Woody Guthrie? À New York, à l'hôpital, malade, et il meurt. Dylan, à l'université, en seconde année, ne finira pas le premier trimestre. Très simplement, il décide d'aller à New York pour voir Woody Guthrie. Chicago, c'est sur la route. C'est là qu'il s'arrête d'abord, avec l'adresse de quelques folkeux dans la poche. Il joue du piano avec eux. Eux le trouveront un peu collant, le squatter, toujours à demander quand on lui laisse pousser sa chanson sur scène. On est même content de lui trouver une voiture, une Chevrolet Impala de 1957, qui s'en va à New York et cherche des passagers pour partager les frais d'essence. On est en janvier 1961. Le conducteur dira plus tard qu'il a lâché exprès ses passagers tout au bord de la ville, loin du centre, parce que le type à l'arrière, quand il ne dormait pas, chantait sans arrêt Woody Guthrie et que lui, il n'en pouvait plus. Dylan, là aussi, renversera l'histoire, disant qu'il a mis 3 jours à pied pour passer de la banlieue où on les avait lâchés, dans la neige, jusqu'au cœur de la ville. En fait, bon, il a pris le métro, dormi à l'hôtel. Tout ça, c'est un peu symbolique. Mais il y est à New York. Walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. You say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Jean-François Néolier, Julien Douminc, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guay. Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Un feuilleton en 15 épisodes, written and talked, écrit et raconté par François Bon. Demain, deuxième épisode. New York sous la neige, une guitare à la main.